François Morel, c'est à vous. Bonjour. Commémorant n'importe quoi, France Inter a consacré une soirée à Pierre Desproges. Voici ma contribution matinale. Une chanson, texte de Pierre Desproges, musique d'Antoine Salaire, musicien Antoine Salaire, Tullia Morand, Muriel Gastebois et Monsieur Ma. Moi, je fais chanteur. Étonnant, non ? Le chien qui vient pour rien lécher les pieds fanés du vieux boiteux ganteux qui partage sa vie. Ce chien très bien maintient en vie la vie finie de l'homme, son homme. Et comme si c'était naturel, il vient, ce chien, pour rien distraire l'hiver calvaire du vieux noueux baveux que le froid désintègre. Vieillard, c'est tard, tu pars, la mort te mord. Alors, le chien qui vient pour rien s'étend sur ta carcasse. Il lèche, relèche et sèche la sueur qui fleure malheur au creux des yeux du vieux qui ne boitera plus. Bâtard, c'est tard. Trop tard. Va-t'en, maintenant, va-t'en. Mais non, ce con, sans nom, reste à monter la garde. Deux jours, trois jours, dix jours, dix nuits, et puis, un rêve l'enlève, il grève sur le plus gros tas d'os qui n'est jamais connu. That's François Morel, guys. C'était Claude Askolovitch. Merci François Morel, qu'on retrouve avec grand plaisir, évidemment, tous les vendredis, ici même.